a gagné! Qu'est-ce que vous dites? On a gagné! Regarde! On a gratté et on a gagné 2000 euros. 1000 euros chacune. Oh là là! Mais c'est vrai! Où est-ce que vous avez acheté ce ticket? Au bureau de tabac, évidemment. Tu ne vas jamais au bureau de tabac? Non, j'ai arrêté de fumer. Pas nous! C'est immoral! Arrête! Si tu es gentil, on t'invite au restaurant maintenant qu'on est riche.